Studio, dans ma bulle. Donc je suis vivant et c'est normal que le son paraisse peut-être plus vivant que les sons en général. J'ai appris au fur et à mesure comment je pouvais détourner les appareils de la radio. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz ou également à partir du site asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Bienvenue dans les programmes estivaux de l'Asile le plus sûr et cette semaine une émission entièrement consacrée à Pierre Henry, le pionnier des musiques électroniques et électroacoustiques qui est né le 9 décembre 1927. Qui a donc 87 ans au compteur et à peu près, on va dire, 65 ans au bas mot de musique. On va pouvoir illustrer cela à partir de trois émissions, un triptyque, non pas une, non pas deux, mais trois émissions spéciales que nous lui consacrons en ce mois d'août à l'occasion de la sortie d'un coffret consacré aux 35 premières années de Monsieur Henry, avec des pièces rares restaurées, remasterisées par Joss Smulders de Ear Labs. C'est le coffret Pierre-Henri Choix d'œuvre de 1950 à 1985. Une boîte de 10 33 tours sortie juste avant l'été sur Vinyl en demande, la firme de Frank Meyer spécialisée dans les rééditions vinyliques de musiques expérimentales des années 70 et aussi de la synthwave wave un peu industriel sur les bords des années 80. Et dans les pièces rares de ce très beau coffret qui pèse à peu près 3-4 kilos, on retrouve l'intégralité de ses compositions des années 50 qu'on va écouter dès aujourd'hui. Également l'intégralité du vinyle d'époque de la Reine Verte, les pièces Kildex, Gymkhana, le Corticalar aussi qui était une œuvre du début des années 70 qui était devenue très rare, ainsi que sa deuxième symphonie, également Paradis perdu ou encore le cycle de la Terre d'Hugo Symphonie de 1985 qui sont des œuvres qu'on retrouve plus du tout éditées par la firme Philips qui avait sorti le coffret quadruple classique mix 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 et on couplera le programme de ce triptyque de l'asile le plus sûr avec le coffret publié en 2012, coffret très économique que celui-ci, coffret 10 CD paru sous le nom de Odyssée, qui nous fera entendre des œuvres beaucoup plus récentes dans le troisième volet de l'émission à la fin du mois d'août. Mais place au Pierre-Henri des débuts. Alors les débuts de Pierre-Henri, c'est bien évidemment la rencontre avec Pierre Schaeffer. Pierre-Henri qui a étudié la musique au Conservatoire de Paris. Il est de formation classique en percussion et en piano. Il a suivi l'enseignement de Nadia Boulanger, compositrice et pédagogue, qui avait compté dans ses élèves assez fameux Aaron Copland ou encore Philippe Glass. Il a suivi aussi l'enseignement d'Olivier Messiaen, donc un patronage assez fameux. Et il a rencontré Pierre Schaeffer dans les studios de la radiodiffusion télévision française, le fameux club d'essai vers 1948-1949. En effet, en 1948, en mai très exactement, Pierre Schaeffer a créé sa première pièce, l'étude au chemin de fer. Il a commencé à diffuser ses toutes premières musiques concrètes sur les ondes. Pierre-Henri, qui était bien évidemment aux aguets de tout ce qui pouvait bouger dans le domaine de l'expérimentation, avait reçu la commande d'une musique pour un documentaire, Voir l'invisible. Il songe à improviser dans les studios de la radio avec les procédés mis en place par Pierre Schaeffer. Il le rencontre et celui-ci finit par l'engager en octobre 1949 en tant que percussionniste et pianiste préparé, notamment pour travailler sur une pièce qui deviendra mythique, qui était en gestation dans le crâne de Monsieur Schaeffer, la fameuse symphonie pour un homme seul. Alors au départ, ils se servent de sons pour le moins réalistes, d'instruments préparés et de citations de musique classique. Tout ça mis en scène et mis en son à partir de moyens assez rudimentaires, des boucles fermées de pick-up et des chambres d'écho pour le moins vintage. Leur première œuvre commune est le Bidule en ut, courte pièce de 2 minutes 30 du début de l'année 1950 qu'on écoute dès à présent, couplée avec quelques autres joyeusetés de la même époque. Thank you. Thank you. Les débuts de la musique concrète à l'honneur sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr, avec une sélection de pièces de Pierre Schaeffer et Pierre Henry qui est à l'honneur de cette première partie d'un triptyque que nous lui consacrons. La musique concrète qui était vraiment avec des moyens très très primitifs fin des années 40, début des années 50. On copiait donc les sons sur un appareil enregistreur par prélèvement successifs sur différents disques en abaissant et levant le bras du pick-up au bon moment, ni plus ni moins. Le studio d'essai de la radio diffusion française qui était aussi doté d'une chambre d'écho naturelle et puis de potentiomètres qui permettaient de modeler un peu les sons en les faisant apparaître et disparaître et de travailler leurs intensités et le mixage sur plusieurs voix. Par contre, le magnétophone n'arrivera que plus tard, à partir de 1951, ainsi que le fameux phonogène, qui était un appareil qui permettait des transpositions systématiques de sons mis en boucle à toutes les vitesses souhaitées, d'une manière précise et calibrée. Transposition fixe avec un clavier chromatique réglé sur les 12 degrés de la gamme, ou transposition continue par système de coulissage, comme c'est expliqué expliqué dans l'excellent livre La monographie de Pierre-Henri, écrite par Michel Chion. On a écouté quatre pièces à suivre. D'abord le duo Pierre Schaeffer et Pierre-Henri avec leur toute première pièce, Le bidule en ut, qui était enchaînée avec la symphonie pour un homme seul, qui a fait leur légende, dont la première version fut créée le 18 mars 1950 à l'École normale de musique. Il s'agissait d'une pièce qui durait une bonne heure, et progressivement la version a été raccourcie à 12 mouvements et 22 minutes. Maurice Béjart transformera cette œuvre en ballet bien plus tard, au milieu des années 50. La symphonie pour un homme seul, qui était enchaînée avec Musique sans titre de 1950, qui est la deuxième œuvre enregistrée par Pierre-Henri tout seul, sans Pierre Schaeffer. La première pièce qu'il avait écrite s'appelait Le concerto des ambiguïtés, qu'on retrouve aussi sur ce coffret de pièces de Pierre-Henri de 1950 à 85, publié par Vinyl en demande. Musique sans titre, qui est une pièce baroque à instrumentarium très chatoyant, piano préparé, percussion, quatuor à cordes, sont assez réalistes, si on fermait bien évidemment, avec des samples de disques de musiques orientales du Japon ou de Bali, rapportés par le poète Henri Michaud. Il y avait toute une communauté intellectuelle et artistique qui s'intéressait au premier tâtonnement des musiques concrètes du studio d'essai de la radiodiffusion, et notamment Henri Michaud, qui poussait et exhortait Pierre Schaeffer et Pierre-Henri à créer des choses surprenantes, à aller dans un imaginaire sonore bien plus prononcé. Mais pour l'heure, le duo avait plutôt tendance à pratiquer des musiques concrètes, donc des musiques de son fixées assez réalistes, dans un côté un peu post-réaliste. On a écouté le cinquième mouvement de ce Musique sans titre, a beaucoup servi à Pierre Schaeffer pour ses essais de notation en musique concrète. On a entendu la fête foraine, musique anecdotique, comme aurait dit Luc Ferrari. Et Pierre-Henri, d'ailleurs, dans le journal de Messon, revendique cette pièce, musique sans titre, comme son tout premier opus. Et on a conclu avec le microphone bien tempéré, une série de courtes pièces, 15 au total, enregistrées entre 1950 et 1952. Pour laquelle un vinyle d'ailleurs est sorti également dans les années 70 chez Philips, et qui est enfin disponible en version intégrale dans ce coffret vinyle en demande. On a entendu Le Dimanche Noir numéro 1, qui faisait écho à des pièces de jeunesse de Pierre-Henri, les 52 Dimanches Noirs, qui furent composés entre 1945 et 1948. On va continuer avec une pièce, cette fois-ci vocale, composée en janvier 1952 par M. Pierre-Henri, sous le titre de Vocalise, un gazouillis de voix manipulées façon Donald Duck, pièce sérielle jouant sur les hauteurs et les durées. On écoute ça tout de suite, et ce sera enchaîné là encore avec d'autres pièces du tout début des années 50 de Pierre-Henri. Ha!

Zeus haben und das Ebene der Nymphe. Zeus bühnt mein Geist, kein Uren, was der Quintos. Zeus pro je Panton, Zeus sag mal, tu Pyros orme. Zeus Ponturiza, Zeus Elios in Eselene. Zeus Basileus, Zeus Atos, Apandon, Archigenetos. Ende de mas Basileion, enota de Pantacucleitai. Macae metis protos genitos, cae eros proterpas, tanta garenze los megalotade somaticetae. Zeus protos genito, Zeus ustatos, argiceranos. Vocaux du groupe de recherche sur les musiques concrètes, le GRMC à l'époque où Pierre-Henri était chef de travaux au sein de la grande maison de la radio. Donc différentes pièces qui mettaient à l'honneur les travaux de traitement vocaux de Pierre-Henri et ses acolytes et son camarade Pierre Schaeffer notamment, avec tout d'abord Vocalise, cette pièce de janvier 1952 avec cette voix un peu cartoonesque qui était enchaînée avec Astrologie, une pièce commandée pour un film du réalisateur Jean Grémillon de 1952 qu'on retrouve aussi sur ce coffret vinyle en demande, et à l'instant bien évidemment Le Voile d'Orphée de 1953, la pièce de Pierre-Henri qui est une émanation du premier opéra concret sur Orphée pour voix et bande, coécrit à l'origine en compagnie de Pierre Schaeffer en avril 1951, ou plutôt exactement commencé en avril 1951 et créé le 8 juillet au Théâtre de l'Empire, et pour lequel Pierre-Henri a détaché son voile d'Orphée qui en était l'une des parties. Il a retravaillé cette pièce notamment pour une commande du festival de Donaueschingen où elle fut créée le 10 octobre 1953. Il en a fait une longue séquence de 28 minutes et bien évidemment il en a fait aussi son premier chef-d'œuvre, une pièce et un spectacle pour le moins baroque qui a bien choqué le public allemand. Maurice Béjart se la réappropriera également un peu plus tard pour un ballet assez fameux de 1958. Et il est à noter que Pierre-Henri l'a réduite à 15 minutes pour une version un peu édite pour le disque. Elle fait à peu près une demi-heure et c'est la version Inextingo que vous retrouvez sur ce coffret de pièces de Pierre-Henri, choix de pièces 1950-1985 chez Vinyl en demande. On va continuer avec une autre facette du travail de Pierre-Henri à partir du début des années 50. Ce sont ses travaux pour des musiques fonctionnelles. Donc il recevait pas mal de commandes pour notamment le cinéma, des documentaires, ce genre de choses, mais également pour la réclame, la publicité de l'époque. Et là, je propose d'écouter une pièce assez culte. Il s'agit de la Gaine Scandale de 1956, avec laquelle il a remporté un prix à Cannes. Bien évidemment, Pierre Schaeffer ne voulait pas entendre parler de ses musiques fonctionnelles et Pierre-Henri était obligé de se cacher pour réaliser ses musiques de pub. Alors lui, ça le faisait plutôt rigoler et nous aussi rétrospectivement. On écoute la Gaine Scandale par Pierre-Henri. Il n'est qu'une gaine et c'est la Gaine Scandale. Souple. Élastique. Solide. C'est la Gaine Scandale. Tout ce qui touche de plus près la femme est signé Scandale. Je prendrais bien un petit biscuit avec un verre de Porto. Ah, ça fait du bien. Oh, excellent. Tu en veux un? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais la maison est sans dessus dessous. Comment? Quoi? Quoi? Mais c'est nouveau ça. C'est incroyable, je suis toujours le dernier prévenu. Gisèle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour vous obliger d'y penser souvent, d'y penser encore. Voici. Qu'est-ce qu'il dit? Quand les lilas refleuriront au vent les capuchons de laine, robes rouges nous remettront quand les lilas Trois êtres vont vivre un instant de la vie devant vos yeux en dansant. Quel sera cet instant? Chacun de vous peut l'imaginer et le vivre en même temps que la danse, en même temps que la musique, en même temps que le temps d'un instant. What? Séquence assez contrastée de pièces de Pierre-Henri du milieu des années 50. Tout d'abord, trois extraits sonores qui ne figurent pas dans ce florilège choix d'œuvre de 1950 à 1985, publié il y a de ça quelques semaines par le label allemand Vinyl en demande. On a écouté la pub La Gaine Scandale de 1956, qui était enchaînée avec une pièce commandée par l'écrivain Dada Boris Vian pour son spectacle La Rose Rouge, dans laquelle on retrouvait la voix de Pierre-Henri bien malaxée électroniquement. La pièce Qu'est-ce qui dit de 1954 et juste après Arcane de 1955, un autre ballet mis en scène par Maurice Béjart qui sera d'ailleurs retraité pour donner un Arcane 2 en 1958. Et on retrouve cet extrait sur le CD compilation amoureuse dédiée à Maurice Béjart qui est sorti peu de temps après sa disparition en 2008, et le texte était de Jacques Prévert. Et on a terminé avec une pièce beaucoup plus classique qui elle figure sur ce coffret Vinyle en demande. Il s'agissait de Spirale, une composition initiée vers 1951-1952, finie en 55 à partir de d'un instrumentarium assez pauvre. Pierre-Henri commence à retraiter les sons, à se familiariser avec les techniques de studio et surtout à inventer son propre langage. Donc là, il s'agissait d'un souffle qui sortait de la console, une sorte de battement blanc qui devient un univers en soi, du vent et des insectes. Et tout ça sans l'utilisation du magnétophone, juste à la force du poignet pour moduler les vibrations. Et cette pièce a été intégrée dans d'autres compositions, notamment dans Haut Voltage. Et là encore, cette pièce donc sera donnée par la troupe de Maurice Béjart. À partir du milieu des années 50, il commence ces deux-là à se côtoyer très très souvent et à collaborer très fréquemment. Même s'il s'agit d'une collaboration relativement peu étroite. En général, Maurice Béjart s'assoit dans le studio aux côtés de Pierre-Henri, écoutait ses différentes créations et repartait avec un corpus de sons qu'il mettait lui-même en danse. Il y a eu assez peu de commandes ou de travail en commun pour créer des pièces, à l'exception du voyage du début des années 60, qui était une création conjointe des deux. Mais Pierre-Henri, à partir de la fin des années 50, va commencer à accompagner Maurice Béjart dans les différents déplacements de sa troupe dans le monde entier pour s'occuper de la diffusion. Il fera ça une partie de leur carrière commune. On va continuer avec Spatiodynamisme de 1955, également un ballet de Maurice Béjart. Une première pièce créée sur les structures cybernétiques de Nicolas Schoeffer. Première pièce et première rencontre avec le cybernéticien inventeur de structures machinales avec un grand renfort de spots lumineux et de créations sculpturales qu'il a rencontré fin 1954 et avec lequel il fera plusieurs autres frasques, notamment la pièce Kildex au début des années 70. Maurice Béjart est encore à la danse. On écoute cette pièce assez machinale de Pierre-Henri sous le titre Spatiodynamisme. Thank you. Deux petits bijoux de la période des années, du milieu des années 50 de Pierre-Henri sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr, avec tout d'abord le fameux spatiodynamisme de 1955, un travail pour une sculpture de Nicolas Schoeffer pour une exposition qui avait eu lieu dans le parc Saint-Cloud, une tour de 50 mètres construite en tube d'acier avec une base de 4 mètres de côté, décoré de plaques métalliques multicolores soumises à l'action du vent, du soleil et de la pluie. Et donc il s'agissait de travailler sur ces éléments naturels pour l'environnement sonore émis par la tour. Et donc il y avait une chorégraphie de Béjart. C'était les premiers pas d'une collaboration très très nourrie avec le chorégraphe. Et c'était enchaîné avec une autre pièce pour la danse. danse, mais cette fois-ci pas pour Monsieur Béjart, mais commandé par les ballets de Janine Chara. En 1956, il s'agit d'une des rares pièces de musique de commande avec argument imposé à Pierre Henry. Il s'agit de la pièce Au Voltage, une composition ultra chatoyante et qui date de l'époque vers 1955-56 où il a commencé à enregistrer pour le moins intensivement sur sa nouvelle lutherie expérimentale jusqu'à créer sa légendaire banque de sons, sa phonothèque. Mais celle-ci va devoir marquer un coup d'arrêt brutal avec le courrier qui lui est adressé au printemps 1958, une lettre de démission qui est signée de son camarade de jeu Pierre Schaeffer, qui décide de l'évincer du groupe de recherche de musique concrète. Une rupture qui est due à des litiges personnels bien antérieurs à ce milieu des années 50. Apparemment, Pierre Schaeffer considérait que Pierre Henry enregistrait trop pour son propre compte et ne se consacrait pas assez à la diffusion, à l'enseignement et à l'apprentissage du nouveau langage de la musique concrète, qui était trop compositeur en quelque sorte et qu'il monopolisait donc du temps de studio trop important par rapport à son investissement dans le groupe de recherche lui-même. Donc plutôt un désaccord administratif. Plus tard, ils se rabibocheront. En tout cas, en 1958, Pierre Henry est obligé de prendre ses clics et ses claques et donc aller fonder son propre studio, ce qui va le faire peu de temps après, avec la création du premier studio d'enregistrement privé indépendant sous le nom de APSOM, qui était l'acronyme de Application de procédés sonores en musique électroacoustique, studio qu'il crée en 1959, d'abord dans le 17e arrondissement du côté de la gare Saint-Lazare. Il déménagera un peu plus tard, 10 ans après, à la fin des années 60. Et donc c'est le début des vaches maigres pour Pierre Henry, qui est obligé de subvenir à ses besoins avec différents travaux de commande, et ce qui est plutôt très inconvenant pour Pierre Henry, c'est qu'il a dû abandonner derrière lui toutes ses bobines de son, toute sa sonothèque dont il n'a plus l'usage, et donc il est obligé de créer des pièces nettement plus pauvres dans la facture, avec des sons fabriqués avec des moyens beaucoup plus primitifs. Mais ça va plutôt faire son jeu avec des nouvelles inventions musicales qui vont contribuer à l'évolution de son style, qui se cherchera fin des années 50, début des années 60, à peu près entre 58 et 1962. On va pouvoir se rendre compte de cette évolution avec la pièce Coexistence de 1958, qui est une pièce d'Arte Povera, on pourrait dire, avec un matériau plutôt monophonique et monodique, une seule bande et voix sonore qu'il fait défiler simultanément sur magnétophone. À l'époque, il ne bénéficiait pas de surimpression, et Coexistence s'inspire par ailleurs dans sa structure rythmique et dynamique d'une vieille partition de 1951 sous le titre Fluide et mobilité de 7 tambours. Et les sons qui ont été utilisés pour créer Coexistence proviennent de sources concrètes, de tiges vibrantes et de plaques de métal sur lesquelles il fait tomber des objets. Il utilise aussi les structures et sculptures de Nicolas Schoeffer qui sont secoués et percutés, ainsi que des ressorts, des pots de tambour qui sonnent comme des vibrations pures, presque électroniques, comme nous dit Michel Chion dans son analyse de cette pièce, dans sa monographie autour de Pierre Henry. Et donc Pierre Henry revient en quelque sorte à ses sources, à la percussion et au piano préparé de ses débuts. On va écouter un extrait de ce Coexistence, qui est une pièce qui figure sur ce coffret anthologie publié par le label Vinyl en demande, mais il avait déjà été édité en side B de Haut Voltage chez Doxy Records au printemps 2010, et il est également dans le coffret Odyssée de 2012. Place à cette Coexistence, une Coexistence sans Pierre Schaeffer. Thank you. Cette séquence par le final de la pièce Coexistence de 1958, juste après l'éviction du GRM, qui d'ailleurs commence à se faire appeler GRM juste après la sortie de route de Pierre-Henri et son départ forcé du groupe de recherche musicale de Radio France à cause de ce désaccord et de cette mésentente entre lui et Pierre Schaeffer. Et donc le final de Coexistence, sa première pièce créée avec des sons de Fortune, qui était enchaînée avec Investigation de 1959, une pièce d'octobre 1959 pour sonoriser une exposition du peintre abstrait lyrique Dégotex à la Galerie internationale d'art contemporain à Paris. Et pour cela, donc, il réalise une pièce, sa première pièce entièrement électronique. Plus exactement, le son électronique est émis à partir d'un oscillateur très primitif, avec des sons sans timbre, sans épaisseur, mais qu'il retraite de façon concrète selon la méthode qu'il a commencé à développer à partir de la fin des années 40. Et cette pièce est plutôt assez réussie. Lucie. On la retrouve d'ailleurs dans le coffret Philips, le mix numéro 2. Et c'est une pièce qu'il avait redonnée d'ailleurs au musée de Quimper. Je m'en souviens pour y être allé à cette recréation de la pièce Investigation dans le cadre d'une exposition de Gotex. À cette époque, Pierre-Henri continue bien évidemment de fréquenter beaucoup les peintres contemporains. Il crée notamment aussi une pièce avec Yves Klein, la symphonie monotone. Et donc il continue de confronter son art sonore avec un autre type d'imaginaire. À partir du printemps 1959, un an après son départ forcé du GRM, un accord est trouvé et Pierre-Henri est autorisé à retourner au GRMC pour reclasser les 1283 bobines qui y sont conservées. Il est autorisé à venir les reclasser sans avoir la possibilité de les copier ou de les emporter, ce qui va donner lieu à un étrange manège entre juin et octobre 1959, Pierre-Henri se rendant au siège du groupe de recherche rue Lapérouse avec un grand impair pour y planquer des bandes qu'il s'empressait d'aller recopier chez lui dardard. Il réussit à reconstituer l'immense fond sonore qu'il a pu créer pendant les 10 premières années passées au sein du groupe de recherche en musique concrète, ce qui va lui permettre de survivre avec ses travaux de commande, notamment beaucoup de disques liturgiques, grâce à cette banque de sons, et de continuer à créer des pièces très exceptionnelles. Le début des années 60 est assez fructueux avec la création coup sur coup du Voyage et des Variations pour une porte et un soupir que je ne vous proposerai pas dans cette première partie d'émission mais dans le deuxième volet, et je vous propose de terminer avec une autre œuvre assez fameuse. Il s'agit des Musiques pour la Reine Verte de 1963 qui est une création en spectacle complet ballet et musique en compagnie de Maurice Béjart, un ballet qui fut relativement critiqué à l'époque, mais le disque sorti en janvier 1965 chez Unidisc remporte le Grand Prix National du Disque de l'Académie. C'est l'une des premières distinctions de Pierre-Henri qui commence à asseoir vraiment sa notoriété, et c'est totalement justifié vu la qualité de cette création sonore qu'on peut retrouver en version in extenso, et ça faisait vraiment longtemps qu'on ne pouvait plus l'écouter sous le format d'origine sorti en 33 tours sur ce coffret choix d'œuvre 1950-1985 du label Vinyl en demande. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie des aventures de Pierre-Henri. Je vous rappelle que ce programme est entièrement réécoutable sur le blog asile35.blogspot.fr avec l'ensemble des références qu'on a pu entendre sur cette émission. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you. Thank you. Thank you.